Il a failli être Premier ministre du Québec. Il aurait pu être Premier ministre du Québec. Il ne fait pas de promesses en l'air, il ne recule jamais devant l'adversité et quand il va à New York, c'est avec son argent à lui. Voici votre animateur, Jean-Philippe Vautier. Mon Dieu, il y a trois places vides dans première rangée, je me sens comme dans un speech de Jean David. Bonsoir tout le monde, il est à peine 19h, la soirée est encore jeune, ce qui va nous donner amplement le temps de nous remettre de la nomination d'André Boisclair à titre de pensionné de l'État pour les 40 prochaines années et de la dénomination d'André Boisclair à titre de pensionné de l'État pour les 40 prochaines années. Fred Savard, bonsoir. Bonsoir. Allez, on va se dépêcher, hein. On va se dépêcher de faire cette ouverture-là parce qu'avec le gouvernement péquiste, là, tout change tellement. Non, mais c'est pas facile d'écrire des textes avec le PQ. Là. Go, on enchaîne avant que ça change. Peu importe ce qui s'est passé avec André Boisclair, il y a beaucoup de gens qui se sont indignés. Fred, vous l'étiez indigné, vous? Très indigné. C'est vrai? Non, le PQ a redéfini le concept de la nomination partisane. Il faut le faire quand même. Là. Alors, mais en fait, je pense qu'il appelle ça faire de la partisanerie autrement. Voilà. C'est dans le dicton. C'est dans la. Mais j'ai ouï dire quand même que M. Boisclair était quand même très, très triste de perdre son poste de fonctionnaire permanent. Ah oui, il pleurait? Il reniflait, en tout cas. Je sais pas, regarde. Regarde, c'est triste aussi, là. Tu sais, c'est des centaines de milliers de dollars. Quand même. Des millions. Ah oui, à ce point-là. Pauline Marois a initialement, vous le savez, défendu la décision, rappelant que Boisclair a failli à être premier ministre. On l'a entendu. Hein? Non, mais moi, je dirais plus a failli à être premier ministre. Mais les deux sont bons, frère. Autre grosse nouvelle, il y a la modification à la loi 101 qui a été déposée cette semaine par le Parti québécois. Ils ont reculé à la dernière minute, il faudrait vérifier. Ah, j'ai regardé Internet, ça fait 5 minutes. Peut-être ça a joué peut-être en. Peut-être rendu à la loi 102 déjà. Juste 100. Regarde, on va faire comme si, là. Hein? Fait que c'est une réforme que je trouve personnellement dangereuse. Ah oui, comment ça? Regarde, la réforme là, oblige les cégepiens des collèges anglophones à démontrer une bonne connaissance du français pour avoir le diplôme. Mais c'est quoi le problème? Fred, il y a beaucoup de francophones dans les cégeps anglophones. Ouais. Hey, comment ils vont faire pour réussir leur test de français, genre? J'avoue. C'est très, très dangereux, ça. Ouais. Non. Justement, parlant de réussite, il y a Yves-François Blanchet qui a été nommé ministre de l'Environnement en remplacement de Daniel Breton. Puis là, évidemment, à moins que ça ait changé. Il faudrait vérifier. C'est les fils de presse. Au vu avec les fils de presse, avec le PQ, on ne sait jamais. Qu'est-ce que vous voulez, c'est de même. Ah, il paraît que les groupes environnementaux, ont reçu la nomination de Blanchet avec un peu de réserve, hein, quand même. Mais pourtant, ils ne verront pas de différence. Les deux ont eu leur permis de conduire suspendu. Ça va être pareil. Et en plus, le ministre Blanchet, il s'y connaît presque autant que l'autre en gestion de déchets. Hein. Ah oui, comment ça? Il a été le gérant d'Éric Lapointe. Fait qu'il y en a là! Il en a vu des bouteilles vides, lui. Il en a vu des bouteilles vides. Beaucoup. Et là, d'ailleurs, vous me faites penser, là, on va parler de chanteurs à voix, là, mais il y a Jacques Villeneuve qui nous a annoncé qu'il allait s'exiler en Europe. Hein. Ouais, d'ailleurs, j'organise un party pour tous ceux qui veulent célébrer ça. Je comprends. Ça devrait être plein. Ouais, hein? C'est clair, je fais ça au Newtown. J'ai appris récemment que Newtown en français c'était Villeneuve. Ah oui. Ouais. Je sais pas. Mais quand même, je suis pas sûr qu'il a pris la bonne décision. C'est dangereux parce qu'on le sait, il aime pas les manifestations. Lui, d'un coup, il se retrouve en Grèce, mais en Espagne, il va faire un moyen saut. Non, mais il va retourner à Monaco. Hein. C'est quand même là qu'il a fait son primaire et son secondaire. Non, je pense que c'est en Suisse. Ah, oui? À Monaco, c'est son éducation princière qu'il a fait. Ah oui. Ouais. C'est là qu'il a appris à chauffer des yachts. Ouais, de 50 pieds et plus. C'est là qu'il a ramassé son accent. Il a son diplôme d'accent. Là. Oui. Ouais, d'ailleurs, dans le même ordre d'idée, il y a Kate et Williams qui attendent des jumeaux. Bravo. Bravo, là, on va applaudir quand même. Yeah. Il me semble que Kate a pas l'air d'une fille C'est sûr, c'est pas comme ça sert pipa. Non, et comme le disait le docteur Rogino, c'est pas avec une pipa que tu fais des enfants non plus. Ouais, merci, Fred. Ce qui m'intéresse là-dedans, puis ce que je trouve franchement intéressant, vous faites des blagues là-dessus, des petites blagues grivoises. C'est le docteur Rogino, c'est pas moi. Mais ce qui se passe en ce moment avec la monarchie, là, moi, ça remet en question tellement d'années d'héritage. Je veux dire, là, on parle que, une fille pourrait devenir reine. C'est incroyable. Ah non, c'est passionnant. Écoutez, je me peux plus, là. Mais je me demande qu'est-ce qui a amené la monarchie à changer ça. C'est parce que vous comprenez pas, Fred, là. Une fille pourrait... En tout cas, moi, je comprends pas, mais moi, il y a une seule réponse à ça, là, qui aurait pu faire changer ça. Ça fait des mille ans que c'est comme ça. Québec solidaire. Ah oui. Je sais pas comment ça marche. Il est passionné de monarchie, hein? Oui, oui. Une monarchie, un monarchie, il faut dire les deux. Tu sais, pas niaise. En plénière, là, tu niaises pas avec ça, là-bas. En tout cas, on n'a pas de jumeaux, nous, à l'émission ce soir, mais on a deux bons invités. On reçoit d'abord Michel Courchesne, ancienne ministre d'Éducation. C'était pas Lynn Beauchamp? Ben là, Fred, vous allez la faire pleurer, là. Qui ça? Ben Lynn Beauchamp. Ah, oui, oui, excuse. Vous l'avez entendu, là? Ben, tu sais, on n'est pas méchants comme Paul Arcand, nous. Non, non, non. Ça, non, ça, non, on n'est pas comme ça. On reçoit également le nouveau maire de Montréal, Michael Applebaum. Oui, oui, oui. Maire par intérim, quand même, nuance. C'est vrai, c'est temporaire, mais quand même, il reste du temps parce que la soirée est encore jeune. Ben, je vous le dis, je me sens comme Jean David. Il y a trois places libres. Ah, ben non. Le reste est plein. Mais il était là tantôt, ils sont partis. Ah, OK, OK, OK. Olivier? Oui? L'Internet. Ben oui, ben les gens peuvent nous suivre au twitter.com/lasoirée, au facebook.com/lasoirée est encore jeune ou sur notre site radio-canada.ca/lasoirée oui. Où ils pourront voir une vidéo promotionnelle en anglais de la City of Saguenay featuring oui. Jean Tremblay. Ah ouais. Ouais, ouais, ouais, il est très very bon good, là-dedans. Very good, very good. Ben, he is very good, hein. On vous rappelle de ne pas manquer notre spécial de fin d'année. C'est 2 heures. Ça s'appelle La veillée est encore jeune et ce sera diffusé le 31 décembre à 18h et le 1er janvier en reprise à 20h. Oui. Et on va recevoir Amir Kadir, Denis Coderre, Gilles Duceppe, Pierre Duchesne et Gabriel Nadeau-Dubois. Et, on ne mentionne pas quand est-ce qu'on enregistre parce que c'est déjà plein. Ben oui. On voulait réserver le Newtown, mais on fait le party de Fred là, pour le départ de Gilles Villeneuve, de Jacques Villeneuve. Grosse semaine d'actualité, hein? Grosse semaine d'actualité. Écoute, tellement qu'on n'a pas eu le temps de parler de la nomination d'André Boisclair comme délégué à New York. Mais non, mais on a parlé en début de. En ouverture. Ah, ben c'est ça. Mes cartons datent d'une heure. Ah oui, ils sont plus bons. C'est des vieux cartons. Maudit. J'ai assez hâte qu'on change de gouvernement. Non, mais c'est dur de faire des stand-up. Après Noël, d'après moi, ça va arriver assez vite. Ben justement, le gouvernement Marois a annoncé des nouvelles coupures de 400 millions pour atteindre le déficit zéro. Et on s'est dit que ben, nous aussi, il fallait trouver des idées pour créer des revenus. Ben oui. Hein? Et quoi de mieux qu'une compilation de Noël chantée par des politiciens pour nous aider à récolter de l'argent. Ça nous a donc inspiré notre palmarès de la semaine. Alors voici donc les 5 meilleures chansons de Noël chantées par nos politiciens. Ben, ça va se vendre, ça. Ben, hey, regarde. Écoute bien la 5e position. Ouais. Venez, divin messie, par Jean-François Lisée. Ah ouais, Lisée se vouvoie lui-même. Il s'aime beaucoup, Fred. Ah ouais. Il s'aime beaucoup. En 4e position, le petit reine au nez rouge par Daniel Breton. Ouais. Bon. Un traîneau qui vole à 275 km/h. Les enfants n'auront pas beaucoup de cadeaux cette année. Mais Daniel non plus, je pense. En 3e position, fa la la la la par Jean Tremblay. Ah ouais. Il aurait pu chanter Minuit chrétien aussi. Hein? Hey, pensez-vous qu'il t'a fait minuit? Ah non, ouais, c'est vrai. Lui, à 8h, c'est son heure. Ben, petit Jésus, hein? Ouais. Il se couche de bonne heure, petit Jésus. En 2e position, Le sentier de neige par André Boisclair. Je la comprends pas. Ah, ben. Je la comprends pas! Non, non, mais laissez faire. Je la comprends pas! Laissez faire le sentier. Laissez faire le sentier, concentrez-vous sur la neige. Je la comprends pas, frère. Mais non, mais la neige, ça fond, comme sa nomination. Ça fond. Ah! Ben ouais. Là, je la comprends mieux. Bon, ben oui, franchement. Et en première position, Le temps d'une dinde par. Ah, non, non, pas par Pauline Marois, s'il vous plaît, là. Non, c'est par Gaétan Barrette. Il faut se dépêcher. Non! Mais faut se dépêcher avant qu'il reste plus. Fred! Avant une fructueuse carrière politique sous le gouvernement de Jean Charest, elle a été notamment membre du CA de Radio-Canada et directrice générale de l'OSM de Montréal. Voici Madame Michel Courchesne. Madame Courchesne. Grand plaisir. Assoyez-vous, je vous en prie. Merci beaucoup. Est-ce que vous voulez de l'eau? J'en ai. De la bière? Ah, vous avez de l'eau? Oui, j'ai de l'eau pas déjà. De bière? Non, pas de bière. Arrêtez donc. Non. Pourtant, c'est pas bon. Pas ce soir. Bière, non? De temps en temps. OK, c'est correct. Ouais. Une autre fois. Oui. On se fera un petit 5 à 7 à maintenant. Oui. On est très, très heureux de vous recevoir, Mme Courchesne. C'est gentil. Je vois que vous vous éloignez, là. Non. Non, vous vous sentez... Mais je me rapproche. Okay. Ben, je vais me rapprocher un peu. Non, non. Juste vous dire, là. Juste vous dire. Tu sais, on rit souvent ici. On a beaucoup parlé de la commission Charbonneau, mais à ce soir, non. On met ça de côté. Bonne idée. Je trouve que c'est trop lourd. Ah. On est tanné de parler de ça. Ah, ouais, ouais. Fred. Moi, je suis plus capable. Ben, regarde. C'est moi comme non ça. Non, ben, alors, ben, c'est ça. Puis, de toute façon, là, à ce que je sache, le Parti libéral n'a pas rien à voir avec ça. Bon. Fait qu'on va parler de choses plus le fun. De choses le fun, Mme Courchesne. Oui, vous avez des bonnes idées. Ben, regarde. Non, mais avez-vous fait votre arbre de Noël? J'avoue que vous me faites rire. Bon, ben là, c'est ça qui non, pas encore. Le 16 décembre. 16 décembre, c'est tard. Oui, mais c'est parce que c'est un arbre de Noël naturel. Ben, nous aussi. D'ailleurs, il s'en vend depuis comme une couple de semaines, puis je me dis. Ça meurt le 16 décembre, ça, un arbre de Noël. C'est pour ça que je le fais le 16 décembre, ben, qu'il dure jusqu'au 1er janvier. Si on le met dans l'eau, c'est correct. Et le 7-Up. Est-ce que vous savez qu'un arbre de Noël naturel, il faut mettre du 7-Up? Ben, voyons parce donc. Parce que c'est sucré. Et ton arbre sèche moins vite. Ben, faut pas le shaker parce qu'il fait de la mousse. Mais il paraît que c'est très bon pour le mal de cœur. Ah, oui. L'année de veille. C'est ça. Tu prends une petite bouchée de vin. On prend une branche, puis fini la gastro. Hey, ça paraît pas comme ça, mais on parle juste de belles affaires en ce moment. Mais là, on va parler un peu de politique quand même, parce que on a appris jeudi que le gouvernement allait faire des coupures de 400 millions. Coupures surprise. Pas vraiment. Ben, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'ai écouté les nouvelles récemment et quand le PQ est arrivé au pouvoir, on nous a dit qu'il y avait 800 millions d'un trou budgétaire qu'on n'avait pas vu venir. Voulez-vous que j'explique ça, là? Puis que c'était la faute à l'ancienne présidente du Conseil du Trésor. Vous expliquez ça. Je la trouve pas bien fière, elle. C'est non. qui? C'était vous? Ben bon, oui. Dieu. Quel hasard. Quel hasard. Est-ce que vous savez que depuis au moins 40 ans, ouais. à chaque année, au mois de juin, ouais. il y a ce qu'on appelle des périmées, des compressions budgétaires, comme ouais. ça se fait dans n'importe quelle entreprise privée ouais. qui, en mi-année ou en début d'année, dit « Ah, peut-être que les prévisions qu'on a faites, peut-être parce qu'il y a moins de revenus, peut-être toutes sortes de raisons, ouais. il faut contrôler nos dépenses. » Donc, à chaque année, depuis 40 ans, au mois de juin, on dépose auprès de tous les ministères ce qu'on appelle des périmées, donc des compressions budgétaires. Okay, okay. Alors, ce que j'ai fait, oui. ce que j'ai fait au mois de juin, que c'est il y en avait pour même 800 millions de dollars. Ah oui? Oui, absolument. Alors, c'est pas des surprises. Là. C'est pas une surprise. Pas mais vous n'en aviez pas parlé bien. Il y avait d'autres choses à jaser pendant ce temps-là. Probablement qu'au mois de juin, il y avait... Non, mais probablement, mais il reste que chaque année, entre autres, Denis Lessard de la presse ouais. Se fait un plaisir de le dire. De le dire, hein, mais c'est ouais. pas caché, c'est pas secret, c'est absolument ben là, tout à fait transparent. Vous nous parlez de Denis Lessard, il y a de la job en tabarouette, c'est ainsi, lui, hein? mais là, le budget, justement, il a été déposé il y a quelques semaines. Vous en pensez quoi de ce budget-là? Habile. Habile? Oui. Ben c'est ça, dans le fond, on a dit que c'était un budget libéral. Vous êtes en train de faire des compliments, ben, c'est normal. Je vous le dis franchement, ouais. c'est un gouvernement minoritaire. Vous savez, il y a des agences de notation ouais. ben oui. Qui mènent le bal parce que ce qu'on veut surtout pas, c'est que le Québec soit décoté. Mm-hmm. Parce que si le Québec est décoté, ça va coûter plus cher en intérêt ah, quand ben on ouais. en prend. 500 millions du demi du point, c'est ça? Oui, à peu près. Ah, c'est beaucoup, non, c'est énorme. Alors, c'est évident que, bon, il n'y a pas un gouvernement, quel qu'il soit, qui veut... vivre ça. Il a dû y avoir beaucoup de discussions entre le ministère des Finances et ses agences de notation parce oui. que le programme électoral du Parti québécois ben, était très... Non, c'est ça, il ne ressemblait pas à ça. Puis pour les agences de notation, c'était certainement insécurisant. Ah oui, on se fait appeler, hein? Très. Oui, oh oui, ah il oui? appelle, hein? Ah oui, c'est vrai? Oh oui, donc... Ils ont votre numéro peut-être? Ah oui, écoute, ils ne gênent pas pour appeler. Est-ce que vous trouvez ça un peu le fun, ce qui arrive au PQ? Parce que depuis l'élection, on en parlait, justement, le PQ a dû se conformer un peu à une couple d'appels téléphoniques de nos agences de notation. Mais aussi, bon, il y a eu quelques cafouillages, le ministre Breton. Il y en a beaucoup. Énormément. Il y en a beaucoup. Honnêtement, il y en a beaucoup. Et vous, là, de la galerie de la presse, là, mm-hmm. est-ce que vous trouvez que de c'est... mon salon, maintenant. Oui, c'est ça. Ben, mm-hmm. Je ne sais pas comment vous l'appelez. En tout cas, votre salon, pas d'art de Noël, à ce que je sache. 16 décembre. Ben, c'est ça. Est-ce que vous en réjouissez un peu? Oh, écoutez, c'est pas... moi, ce qui me choque un peu ouais, là-dedans, c'est de pas... avoir dit toute la vérité, juste la vérité à la population. Oui, c'est un si, peu... Si les libéraux avaient fait la même chose, on aurait crié au scandale. Là, vous avez même ben pas là, voulez-vous idée. Que je vous dise, là, même vous pas idée comment pas les libéraux l'auraient pas eu facile. Notre ouverture de show, là, on n'en peut plus. Il faut tout le temps changer nos textes. Ah ouais. Vous m'avez fait bien rire. Ben écoutez, on se lève un matin, puis là, on change d'idée encore avec Mme Marois. Ouais. On avait des belles idées, des belles blagues à faire, puis là, il faut toutes les effacer. Mais ce que je trouve de plus sérieux, d'une certaine façon, si vous prenez l'exemple d'André Boisclair. Ouais. Pourquoi dans le communiqué de presse, ils ne l'ont pas dit qu'il y avait le titre de sous-ministre adjoint? On est dans adjoint. La coupure, c'est pour sauver notre... Monsieur Marceau... non, mais Monsieur Marceau, quand il a voulu rendre rétroactif les augmentations d'impôts, puis qu'il a essayé de nous faire croire, et surtout de faire croire aux journalistes... Ouais. Moi, je suis mauvaise libérale, méchante libérale, c'est encore une chose, mais aux journalistes, ils ont voulu faire à croire qu'ils avaient dit que ça allait mais être c'était entre les lignes, c'était écrit entre les lignes. Écoute, là, ça, là, c'est écrit petit entre les lignes. Hein? Alors, ça, bon. J'avoue que pour moi, ça, c'est choquant. Mais... Pour moi, c'est insulter l'intelligence de la population. Mais là, ils font pas que ça, le PQ, ils ont fait des grandes choses. Regardez Pauline, là, elle est arrivée au pouvoir, bing, bang, plus de grève, rien, tout est réglé dans l'éducation. Ah. Paf! Hein? Ouais. T'as de la magie, magie! C'était pas compliqué. Tout, ben, gars, c'était facile. Que j'ai donc hâte de voir ça. Comment ben non, mais ça va finir? Tout est beau. Plus de hausse, plus de grève. Il y a même plus de carré rouge. D'ailleurs, il y a des gens qui se promènent avec des carrés d'autres couleurs. Oui. Aussi, c'est notre réalisateur. Lui, ouais. c'est un marxiste-léniniste, mais. ben, vous savez, à Radio-Canada, c'est souvent comme ça. Mais pourquoi vous n'avez pas fait pareil quand vous étiez là? Faire quoi? Ben, régler tout ça de même. Regardez si c'est beau. Pensez qu'on n'a pas essayé? Ben, moi, je pense que avec Lynn Beauchamp, ouais, je suis une de celles qui a essayé fort. On se demande, c'est la course à la chefferie au Parti libéral, et là, vous êtes retourné dans vos terres. On ne vous voit plus en politique. Ah non, non. C'est fini? C'est terminé. Ah oui? Ah, ça, je peux vous l'assurer. Vous cherchez à faire quoi? D'ailleurs, j'ai lu que vous vouliez faire du bénévolat. Entre autres, oui. Ben moi, j'aurais une petite suggestion à vous faire. C'est vrai? Ben il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui est poigné pour faire 120 heures de travail communautaire. Mais je pense pas que Gabriel souhaiterait que je sois à ses côtés. Ben, je pense qu'il aime. Non, pense non. que je serais pas sa candidate préférée. C'est vrai? Pour être à ses côtés, ah ou pour le guider, et ou pour l'accompagner. Ou... Non, moi je veux pas. Pour aller chercher votre adresse. Moi je veux pas. Ah, il pourrait vous aider. Non, non, je veux pas. Non, non, un petit deux heures, il en resterait sans doute. Personnellement, pas du tout. Non, non, non. Mais. Mais lequel, est-ce qu'il était fin avec vous, Gabriel? Parce que je vais le revoir bientôt à Noël. Là. Je vais être très franche avec vas-y. Vous. Les trois chefs des associations, les trois leaders ont été, somme toute, très respectueux, polis, corrects. Parce que vous m'avez dit. Non, non, mais. Je le vois là, le 21 décembre, puis s'il n'est pas fin, je vais le dire. Là. Sauf que c'est évident qu'on était. Mais absolument, absolument pas sur la même longueur d'onde et qu'on ne pouvait absolument pas partager ni les mêmes objectifs, ni les mêmes convictions, ni la même approche face à notre système d'éducation au Québec, parce que c'est de ça dont on doit parler. Ben, c'est que derrière ça, c'est quelle sorte d'université voulons-nous au Québec? C'est ça la vraie question. Et ben, quelle sorte que de système d'éducation on veut au Québec? Le PQ peut en train de prendre une nouvelle direction avec les coupures, là. Hein? C'est tout nouveau, ça. C'est vraiment... Ben, voilà, mais ben, c'est ça. Ben, c'est tout ça, tu sais. Ben, en tout cas, je vais lui faire le c'est bonjour. Tout ça, le PQ. Je vais lui faire le bonjour de votre part quand même. Ben, avec plaisir. Bon, ben, je fais ça. Vous restez avec nous? Bien sûr. Bon, ben, merveilleux. Il aurait fait un excellent ministre de l'Éducation ou encore un grand maire de Montréal, mais il a préféré être utile et consacrer son grand talent d'intellectuel à faire du journalisme de terrain à notre émission. Eh bien oui, c'est le moment d'aller retrouver le titanesque Jean-Sébastien Girard. Jean-Sébastien, bonsoir. Ah, mon bon Jean-Philippe, comment allez-vous? Super bien, je m'en vais chercher mon sapin de Noël le 16 décembre avec Madame Courchain. Ben oui, c'est vous comme êtes ça. Le bienvenu. Ben oui, ben non, mais hey, on va ça. Ben oui, on va le faire ensemble. Surtout. Hey, je vous dérange. Ah ben oui. Ben, ah, excusez-moi. C'est vrai, il y a quelque chose. Ben oui, excusez-moi, Jean-Sébastien, on s'organisait quelque chose, mais qu'est-ce que vous faites, vous, là? Bon, ben vous savez, j'utilise souvent ma tribune ici, mon bon Jean-Philippe, pour aider des personnalités qui font l'actualité et qui ont parfois besoin d'un petit coup de pouce, un petit peu besoin d'aide. Et cette semaine, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en entendre parler. J'ai pas. Il y a un monsieur, il y a un monsieur qui s'en va travailler à New York. Il sera délégué du Québec à la grosse pomme. Non, vous n'avez pas entendu parler. Mais écoutez, c'est quelqu'un qui a une grosse, grosse cote d'amour au Québec. Alors, j'ai pensé, pour lui faire plaisir, de lui donner des trucs pour qu'il soit heureux dans sa nouvelle ville. Et pour ce faire, je me suis rendu dans le bureau de M. Léo Kiffer, célèbre journaliste voyage au quotidien Le Devoir. M. Kiffer, bonjour. Salut, comment ça va? Très bien, vous-même? Très, très bien. Alors, ma première question, avant de commencer, vous, est-ce que ça vous rend heureux ce qui arrive à André Boisclair? Est-ce que vous trouvez que c'est une belle opportunité pour lui? Ou la seule chose que vous vous dites, c'est maudit bon débarras? Non, moi, j'ai pas de problème au niveau du débarras. Tout ce que je voudrais, comment dire, c'est que, est-ce qu'il va être heureux? Oui et non. Bon. Oui, pour le côté glamour, dans les soirées préparées spécialement pour lui, avec tout le décorum qu'il faut, et non pour la perception d'être un nobody dans la grosse pomme à ah, New c'est York. Ça. À New York, à moins d'être Lady Gaga ou De Niro, t'es rien, t'es personne. Alors là, bon, ça va être dur pour lui. Par contre, par rapport où il travaille, c'est le Rockefeller Plaza. Donc là, c'est un endroit où il va avoir une petite patinoire. Il faut qu'il amène ses patins. Hein. Ah ben voilà, c'est tout. Hein. Vous connaissez cet endroit-là, l'espace de fonction qu'il va occuper. Est-ce que c'est un bel appartement? C'est un beau logement? Évidemment, si Esther Bégin n'a pas tout cochonné avant de partir. Il a comment... il n'habite pas où il travaille. Il travaille donc au Rockefeller Center. Et comment il va être dans un appartement au Museum Tower sur la 53e, ouais, juste en face du MoMA ou pas loin. Au-dessus, ah oui, ben Madame Courchain dit que c'est très beau, hein. Ouais, ouais, ouais. Aussi beau que le 357C, paraît-il. Ouais, c'est ce qu'elle nous dit. Regardez, je sais pas là. C'est beau, mais pour sortir le soir, c'est drabe, hein. Y a rien. Hein? Ah, c'est ça, bagarre. À moins d'aller voir une sculpture ou une peinture tous les deux minutes et là de faire son petit tour en règle générale, ça peut être une façon. Il y a 252 appartements à l'intérieur. Ah oui. Et puis une petite anecdote, si vous savez, DSK pendant sa période africaine, on pourrait dire à New York, a eu un moment l'idée de donc changer d'appartement. Et il a demandé donc s'il y avait un appartement là, parce que c'est quand même pour les riches et célèbres. Et puis c'était complet. Ah. Vous voyez que... Ah, ah, il ne faut pas être qu'africain pour être là-bas. Ben voilà. Et bien envoyé. Alors, si vous voulez, M. Kiffer, on va revenir dans quelques minutes. On va y aller plus précisément. On va lui offrir un carnet de bonnes adresses, comme nous a offert Esther Bégin avec son petit ouvrage avec ses bonnes adresses. On va revenir dans quelques minutes. Et ça va être pratique aussi pour les gens à la maison. Alors, profitez à la maison de la chronique de Fred Savard pour aller chercher papier et crayon. On se retrouve dans 4 minutes. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. À tout de suite. Vous écoutez La Soirée est encore jeune, animée par Jean-Philippe Vautier sur les ondes de la première chaîne de Radio-Canada, une émission beaucoup moins coûteuse en fonds publics qu'André Boisclair. Fred Savard, oui. Ben faites votre chronique pendant que tout le monde va chier du papier. Oui, ben moi, on va être à jour ma chronique parce que je vais venir à la défense de Justin Trudeau. Hein. Ah, mon Dieu, lui, ça, c'est ben, à jour. C'est constant, il y a toujours besoin d'aide un peu. Oui, il a été varlopé cette semaine par à peu près tout ce qui s'exprime dans les médias pour avoir dit que les armes à feu font partie de l'identité canadienne. Il y a même des mauvaises langues qui ont dit qu'il avait dit ça pour têter des votes en Alberta, franchement. Voyons donc. Mais c'est injuste de dire ça parce qu'il y a sûrement d'autres raisons qui pourraient expliquer les commentaires frivoles de Justin. Ouais. Selon certains, ce serait dû à un déficit d'intelligence, chose peu probable, puisqu'on sait très bien que le père de Justin était suprêmement intelligent, ouais. Que Justin a fréquenté le collège Jean de Brébeuf, le même que Georges Larac, et on sait très bien que les pommes ne tombent jamais bien loin du pommier, même si des fois le tracteur roule vraiment près du pommier aussi. Une autre explication pourrait venir du fait que Justin a combattu le sénateur Patrick Brazeau, hein, on s'en rappelle, ben et oui. Qu'il pourrait souffrir d'une commotion cérébrale. Mais je n'adhère pas. Je n'adhère pas à ces théories. Justin a eu de la difficulté à cerner l'identité canadienne parce que l'identité canadienne est presque aussi floue que le processus décisionnel du PQ quand ils sont au pouvoir. Ça s'en dit gros. Alors, j'ai tenté de consacrer ma semaine à justement réfléchir sur l'identité canadienne pour tenter de la cerner et ultimement de la chérir. Bon, en gros, comme les auditeurs le savent maintenant, quand je réfléchis, je le fais dans la douche. J'ai donc pris une très longue douche cette semaine. Et ma réflexion m'a ramené à ma tendre enfance et au programme Au Canada. Je suis certain, Jean-Philippe, que ça ne vous dit rien, vous qui êtes né en 1994. Peut-être, Mme Courchaine, vous vous en rappelez de ce programme-là. On est à peu près de la même génération. J'ai 41 ans. Vous êtes peut-être un peu plus jeune, par contre. Au Canada! Gentil, hein? Et vous êtes un homme charmant. Merci beaucoup. Bon, pas tout le temps, quand même. Non, au Canada, hein, pour les plus jeunes, c'était un programme, hein, c'était pas l'hymne au Canada. Ça a été mon initiation à l'identité canadienne. C'était une trousse produite par le commissaire aux langues officielles avec comme mascotte un perroquet jaune. Et il y avait là-dedans un jeu de société, des macarons, une bande dessinée. On appelait pas ça un roman graphique à l'époque. Il y avait également un flexi 45 tours avec deux chansons bilingues, dont une d'Angèle Arsenault. Je pense qu'il y avait même une lingette pour bébé enduite de zinc canadien pour combattre l'érythème fessier. Non, c'est une blague. Je me rappelle très bien de la chanson d'Angèle qui allait comme suit. Là. Bonjour mon ami, how are you my friend? Ça va très bien, thank you. Bonjour my friend, how are you mon ami? Bon. Dites-moi d'où venez-vous? Okay. Je viens de Calgary et j'ai deux beaux poneys. Je porte un grand chapeau, des bottes et un lasso. On voit déjà qu'on l'identité canadienne a évolué depuis les années 70, puisqu'on sait très bien qu'il n'y a plus de poneys à Calgary. Ils ont été remplacés par des sièges sociaux. Donc, ce Canada a bercé ma petite enfance jusqu'à ce que j'apprenne à lire et me rende compte que dans la bande dessinée où des enfants traversaient le Canada d'ouest en est dans un Pacer, eh bien, la fille se mettait à vomir en arrivant à Montréal. C'est là, ça c'est vrai, elle avait le mal de la route. Alors, ben c'est oui. Là que j'ai eu ma première crise identitaire canadienne. Les années 80 ont suivi, j'ai grandi et arriva le référendum de 80 alors que mes parents appuyaient le camp du nom. Je me rappelle encore avec émotion le fameux discours de Pierre-Éliott Trudeau sur les beautés canadiennes, les montagnes encore enneigées et couvertes de forêts immenses qui plongent dans la mer du Pacifique, l'Alberta, comblé de richesses inouïes dans le domaine du pétrole et du gaz, la Saskatchewan avec son huile lourde, son uranium et sa potasse. Vous vous en rappelez sûrement, hein? Eh bien, moi, je me rappelle m'être enduit de potasse à l'époque pour me sentir encore plus canadien. J'avoue avoir flirté avec l'idée souverainiste dans les années 90 lors du deuxième référendum, mais le discours de Parizeau m'a remis dans le droit chemin, moi qui me suis senti visé par son allusion à l'argent et au vote ethnique, puisque j'avais encore le corps enduit de potasse à l'époque, je pouvais facilement passer pour un ressortissant malgache. Les années 2000 nous ont ensuite démontré que l'identité canadienne était cependant toujours aussi fragile. D'abord par la mort de Pierre-Éliott Trudeau, l'inventeur du multiculturalisme, sa mort qui mit au monde, hein, le Justin Trudeau médiatique, lui qui nous avait tiré une larme lors de son élégie à son père. C'était tellement authentique qu'on se demandait comment il pouvait être aussi bon sans formation théâtrale. Mais les années 2000 furent également les années de la commission Gomery, où je compris enfin pourquoi ce beau grand pays fonctionnait si bien. Suffisait de mettre des drapeaux canadiens dans tous les festivals de gibelotte du Québec en graissant une poignée de peddlers canadiens-français et l'affaire était ketchup. Et arriva ensuite les conservateurs qui nous rappelèrent que notre identité avait été forgée pendant la guerre de 1812, oui, ben alors oui. que les Américains tentèrent de nous envahir à dos de mammouth, mais nous les repoussâmes en leur catapultant des Amérindiens roulés en boule. Du moins, c'est ce que j'en comprends. Alors, cessons le haro sur le baudet. L'identité canadienne est extrêmement difficile à cerner, ouais. et Justin encore plus. Oh, merci, oh. Fran. Ben, on va le recevoir bientôt, Justin. Oui, il va être content. Ben oui. Bon, ben là, j'espère que les gens sont revenus, là. Et là, on va aller parler avec Jean-Sébastien. Ils ont sûrement beaucoup de papiers. Ouais. Jean-Sébastien, bonsoir. Rebonsoir, toujours avec M. Leo Kiefer, célèbre journaliste voyage qui nous aide à installer M. Beauclair à New York. Alors, on va lui offrir un carnet de bonnes adresses, mais si vous me permettez, M. Kiefer, on va faire attention quand même. On a appris que le monsieur en question avait renoncé à son statut d'employé permanent, c'est-à-dire qu'il va perdre 140 000 $ par année. Je trouve c'est épouvantable qu'il ait dû faire ça quand je pense à tous les sacrifices qu'il va faire pour nous présenter là-bas dignement. Mais en tout cas, c'est ça qui arrive. Donc, on va lui faire une espèce de New York pas cher parce qu'il va avoir de la misère à arriver un petit peu au niveau financier. Alors, premièrement, pour sa famille. Évidemment, moi, je connais pas du tout les détails de sa vie privée, puis ça m'intéresse pas du tout. Mais s'il y a une épouse, est-ce qu'il y a un endroit pas cher où elle pourrait magasiner, se trouver une belle paire d'escarpins, par exemple? Moi, je vous dis de faire, comment, du côté de Canal Street, tous les, tout ce qui est deuxième friperie, troisième friperie. Il y a des trucs très bien, puisque c'est les gens du nord de Manhattan qui donnent leurs ah oui? vêtements. Et donc, il y a quand même des très bons costards. Et de faire les soldes de janvier, de juillet et d'août ben, aussi, où, par exemple, un costume de 2500 janvier. Ne vaut que 1800. Hey! C'est une aubaine. Comme on l'aime beaucoup, effectivement, le monsieur en question veut beaucoup penser à sa sécurité. Est-ce que les quartiers dangereux à New York ou les paradis artificiels circulent librement? Parce qu'on imagine que monsieur de sa stature doit pas trop haïr ça, ces maudites cochonneries-là. Eh ben, il y en a partout. Il y en a partout, mais enfin, il y a un endroit, par exemple, le soir, Washington Square. Le soir, après que les tam-tams soient arrêtés de s'énerver, là, eh bien, on vend de tout. Donc, c'est un peu comme des voyageurs VIP qui tirent leur veste et où il y a toutes les sortes de sniffettes ou de fumettes possibles ou imaginables. Comment ça se fait que tu connais ça, monsieur Kiefer? Pourquoi vous connaissez les sniffettes, monsieur Kiefer? Parce que je les ai vues. Oui, oui, c'est vous ça. Vous êtes un fin observateur. Mais je vous remercie beaucoup. Alors, je vous retrouve, Jean-Philippe Vautier, dans quelques minutes. J'aurai une surprise pour vous et pas... pour les gens sur votre plateau. Ah, ben, je voudrais que je ne suis pas certain, mais on va quand même. Voilà, changer mon clair. OK, on va y penser. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Au revoir. OK, faites pas de folie. Fred, notre deuxième invité. Nouveau maire par intérim de la ville de Montréal, il est critiqué souvent pour sa maîtrise du français, pourtant supérieure à bien des francophones. Accueillons Michael Happelbaum. Monsieur le maire! Monsieur le maire! Saviez-vous, monsieur le maire, qu'on a fait une invitation à monsieur le maire de Montréal il y a très longtemps? Et monsieur le maire de Montréal, ben on l'a finalement, mais c'était pas le même nom. C'était un monsieur Tremblay, je pense, à l'époque. Oui. Est-ce que ça vous fait encore drôle de vous faire appeler monsieur le maire? Car j'étais le maire de Côte-Neige-Notre-Dame-de-Grâce. Comme ça, là-bas, les gens m'appelaient toujours monsieur le maire. Ouais. Mais garde, ici, oui. J'essaie de convaincre ma femme aussi de m'appeler ben. Aussi monsieur le maire. Mais ça marche pas, ça marche pas. Le respect, ça fonctionne? Le respect dans le couple est très important. Il oui. faut vous dire que quand j'ai devenu maire de Côte-Neige-Notre-Dame-de-Grâce, je suis allé chez moi, j'ai dit à ma femme, « Hey, je suis le premier maire de Côte-Neige-Notre-Dame-de-Grâce. » Ça passait en 2002. Ben et oui. Ma femme m'a dit, garde, le mardi et le vendredi, c'est la journée de vidange. Il faut que tu les rendes ça pareil. Puis même monsieur le maire de Côte-des-Neiges ramasse ses propres vidanges. Mais oui. Bon, on est rendu où dans une politique quand, municipale? Quand j'ai rendu chez moi hier soir, il y avait un sac de vidange sur le trottoir et j'étais obligé de le mettre en arrière. Bien, de toute façon... Le maire, l'ancien maire Gérald Tremblay nous l'avait dit, faut laver notre Porsche, hein. faut participer oui. à la propreté de Montréal. Oui. Et ben, ça fonctionne très bien. Hein. Moi, je reste sur l'avenue du Parc, là, et que ça a été propre longtemps. Ça. Ah ouais. Oui. Ça, là, ça a été deux ans et demi de propreté, là, oui. à tous les jours. Cela dit, M. Appelbaum, M. le maire, on s'habitue pas, vous avez l'air content d'être maire de Montréal. Je me trompe? Non, je suis contente parce que je pense qu'on va dans une bonne direction maintenant. Regarde, j'ai formé une coalition où tout le monde travaille ensemble. J'avais des opposants et maintenant, je travaille avec tout le monde et c'est très intéressant de voir des gens qui ont été opposés à certains projets. Maintenant, ils prennent charge de ces dossiers-là et la ville va aller maintenant dans une meilleure direction. Là, vous avez une année à la mairie de Montréal. Vous faisiez partie, vous êtes indépendant maintenant, vous faisiez partie du... Union Montréal, ça s'appelait, je pense. Oui. C'est un petit parti. Moi, ça, moi, fort. Ouais, c'est dur de tenir le compte. Il en reste combien de monde à Union Montréal? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. Ben, c'est sûr que c'est comme le PQ. Ça passe tellement vite. C'est faux, Je ne sais pas. J'ai aucune idée combien de personnes restent dans le parti. Mais je pense qu'il y a un compteur, d'ailleurs, à l'extérieur de la ville. Là, ça descend. Toc, toc, toc. Mais là, on se pose la question, par exemple, parce que le parti est assez solide pendant toute l'époque de Gérald Tremblay. Et là, Gérald Tremblay a quitté. Et là, le navire s'est vidé. Comme s'il n'y avait plus d'alcool, ce bateau-là. Comment ça se fait que tout le monde est parti, mais après que le maire ait quitté? Est-ce que le maire était la colle qui tenait cette partie-là? Parce que, oui, regarde, le maire était le leader, mais après qu'il ait quitté, moi, j'ai dit qu'il faut qu'on change des choses à Montréal. Avec tout ce qu'on a vu dans les médias, avec aussi la commission sur Charbonneau, avec toutes les questions de corruption, j'ai dit qu'il faut qu'on change des affaires. Comme ça, moi, j'ai décidé de se présenter comme un candidat indépendant à la mairie. J'étais capable de regrouper des gens de l'opposition. Mais est-ce que c'est parce que les gens d'Union Montréal n'étaient pas d'accord avec vos idées? Je peux vous dire que quand je me présentais comme leader de cette formation politique, je les expliquais clairement que je voulais réduire les taxes à 2,2% et aussi que le parti n'était vraiment pas le même véhicule qu'avant et qu'il faut commencer de penser vraiment de laisser l'Union Montréal et de commencer de vraiment... s'occuper de la population. Ils ont décidé de voter pour quelqu'un d'autre. Pour cette raison-là, j'ai décidé de me présenter. Et là, évidemment, vous parliez de corruption, de collusion. Est-ce que vous avez des squelettes dans votre placard, vous? Est-ce que vous êtes clair? Tout est beau? Tout est beau. Tout est beau? Je peux toujours vérifier. Tout est beau. Bon, à ce moment-là, je vais vous offrir une bière parce que là, j'attendais. Est-ce que vous voulez une bière? Non, je ne bois pas. Non, OK, d'accord. Mais donc, il n'y aura jamais M. Applebaum qui va être cité à la commission Charbonneau. Donc, on est clean, clean, clean. Tout est beau. Je peux vous dire une chose. Oui. Avec tous les changements qu'on est en train de mettre en place à Outaouais-de-Ville, c'est clair que je peux être toujours attaqué par des personnes qui veulent témoigner pour essayer de causer des problèmes pour moi. Mais moi, j'ai aucun problème. Je peux toujours me défendre. Où est-ce qu'on s'envoie dans la direction de la ville de Montréal. Monsieur le maire Applebaum n'a pas de tâche à son dossier politique. Non. Je vais vous aider. Non, parce que je lisais la presse, moi, hier, et dans la presse, on m'apprenait que Guy Hébert, votre directeur général de la ville, avait, comment on dirait ça, ouvert les portes ou desserré les menottes c'est ce qu'on nous apprenait à la presse. C'est pas ça. Mais c'est pas ce qui se passe. C'est pas ça du tout. Qu'est-ce qui en est, ça? Je peux vous dire que nous autres, on a changé la façon de fonctionner. Et on a mis d'autres mesures en place maintenant. Est-ce que ce sont des mesures qui sont si restrictives? C'est encore plus. C'est vrai? C'est encore plus. Le problème qu'on avait dans la ville de Montréal, c'était qu'il n'y avait jamais une responsable. Comme ça, le dossier a été transféré d'un service à l'autre avec aucune personne responsable. Moi, je dis toujours qu'il faut qu'il y ait une responsable, la personne pilote le dossier. Et après ça, il y a d'autres intervenants dans le dossier. Et c'est M. Hébert qui fait ça? C'est M. Hébert qui fait ça. Et je peux vous dire que quand on a eu des problèmes avec Contrecœur, avec SHDM, c'est M. Hébert qui est rentré dans ce service-là. Il a travaillé, il a récupéré des fonds, il a rencontré UPAC. Comme ça, M. Hébert a presque 30 ans de service à la Ville de Montréal. Mais en même temps, avoir 30 ans de service à la Ville de Montréal, vous le voyez ce que ça fait, hein? C'est pas toujours bon. Mais c'est vrai. C'est comme, regardez. Mais quand même, il demeure toujours que M. le ministre Gaudreau vous a appelé. Paraît-il. Moi, je peux vous dire que j'ai eu une rencontre, j'ai eu un appel de M. Gaudreau hier. Ouais. Il m'a posé une question. Il m'a dit, M. Applebaum, avec l'article que vous avez vu dans la presse, est-ce que vous allez répondre à ça? J'ai dit, oui, je vais répondre. Je vais expliquer clairement toutes les mesures que nous autres avons mises en place depuis que M. Guébert est là. Ouais. On va se défendre et je lui assurais que toutes les mesures qu'on a mises en place étaient bonnes décisions. Et on n'a pas eu aucune, je vais vous dire une chose claire, c'est que je suis le maire de Montréal, je vais défendre les intérêts de Montréal et il n'y a aucun gouvernement du Québec qui va nous pousser, nous forcer de faire des choses si ce n'est pas dans le meilleur intérêt de la ville de Montréal. On va toujours se défendre. J'ai une très bonne relation avec le gouvernement du Québec, avec Lisée, avec Gaudreau, mais une chose qui est claire, c'est qu'il devra aussi servir la même clientèle. Les citoyens de Montréal. Et là, on parle justement de la mairie de Montréal. Vous êtes en poste pendant un an, mais là, les élections s'en viennent. On parle de novembre. Et vous avez promis que vous n'alliez pas vous représenter. pas représenté comme maire comme de Montréal. Je vais me représenter encore comme maire de Côte-Neige-Notre-Dame-de-Grâce. Et on a entendu parler de monsieur qui s'appelle Gilles Duceppe. Ça passe vite comme ça. Mais est-ce que ça fonctionne toujours avec monsieur Duceppe? C'est une bonne monsieur, mais garde, pour moi, c'est des rumeurs. Et j'ai déjà mentionné que peut-être il va y avoir aussi des rumeurs que je vais me présenter avec Céline Dion. C'est des rumeurs. Voulez-vous que je vous dise, il y a des gens au Parti libéral qui sont bien contents. Il aime bien Céline. Juste les libéraux qui aiment Céline. Non, mais parce que... Honnêtement... il paraît que ça sonne mieux dans une coupe de loge. C'est ce que j'ai entendu. Moi, je lance ça comme ça. Là, maintenant, justement, on entend d'autres rumeurs, des rumeurs qui s'étirent, mon Dieu, que Denis Coderre allait s'en venir. Je vous écoutais, tout le monde en parle, vous avez décidé de ne pas répondre à ça, mais je vais vous poser la question en espérant une réponse différente. Denis Coderre, là, oui. À la Ville de Montréal, est-ce que c'est ce que ça nous prend? Parce que vous n'allez pas vous présenter comme maire de Montréal. Maintenant, on a besoin d'un maire. Denis Coderre, est-ce que c'est une bonne solution? Je ne peux pas vous dire. Parfait. J'aimerais juste vous dire une chose qui est claire, que pour moi, je suis là pour servir... Oui, d'accord. Citoyen de Montréal, je vais travailler avec les élus qui sont là actuellement et pour les autres, Denis Coderre, Gilles Duceppe ou peut-être Céline Dion, je vais les laisser faire leur politique. Ben là, Moi, je vais servir Céline Dion. J'avais pas pensé à Céline, puis en plus, à mon avis, si Céline est maire, c'est du smoke meat pour tout le monde. Oui. Oh, yeah. hey! Ça, je pense. Mais là, pour si moi, vous... c'est excellent. Ben moi, j'embarque. Eh ben là, on a un programme, là. On a un programme. Avec quelqu'un pour les bagels aussi. Mais là, si je vous pose la question, là... Madame Courchesne comme mairesse de Montréal. Premièrement, je vous trouve responsable. Vous allez bien vous prendre soin des arbres à Montréal, des sapins, des affaires-là. Ben, jusqu'au 16 décembre. Hein? Au 16 décembre, il n'y en aura plus. Non, peut-être, mais au moins, il va y avoir du 7-Up partout dans les rues. Hein? Ça, c'est un gros plus. Mais là, évidemment, j'ai une dernière question. Parce que, comme je vous dis, on a travaillé longtemps pour recevoir le maire Tremblay ici. Oui. Et là, le maire Tremblay, on le recevra probablement pas. Et on s'inquiète. Non, mais c'est vrai. Tout est possible en politique. C'est on ne sait jamais. Okay. Mais oui, peut-être qu'il va venir. Comment il va, M. Tremblay? Ça va bien, je pense. Je ne lui ai pas parlé depuis quelques semaines. Ah, quelques semaines quand même. Il faut vous dire que le journée avant que j'ai décidé de lancer dans la campagne à la mairie, je lui ai parlé. Et je ne lui ai pas parlé depuis ce temps-là. Okay. De ma compréhension, il est parti pour aller en Floride avec sa femme pour une certaine période de temps. Parce qu'il y a son frère, paraît-il, qui a dit qu'il était en train de fendre du bois à la campagne. C'était vrai, ça? Moi, je peux vous dire que Gérard Tremblay a toujours aimé de fendre du bois couper du bois les fins de semaine. Bon, on a peut-être. Moi, j'en ai besoin, j'ai un foyer. Je vais peut-être y penser à l'appeler. Merci beaucoup, M. le maire. C'était un plaisir. Bonne chance pour la prochaine année. Vous restez avec nous, je vous en prie. Oui. Et vous allez écouter notre prochain chroniqueur, Fred. Il nous offre chaque semaine un florilège des meilleurs extraits de la radio d'ici qui nous donne souvent envie d'aller vivre ailleurs. Voici la chronique d'Olivier Niquette. Merci, Olivier. Même pas eu besoin de leur dire d'applaudir. C'est rare. Il y a du progrès. Lundi matin, le quotidien Le Soleil révélait que l'agriculture québécoise était fortement dépendante des travailleurs latinos, ce qui est scandaleux puisque, comme l'a expliqué Sylvain Bouchard du FM 93, la province compte 460 000 assistés sociaux qui pourraient très bien faire le boulot. Non, mais c'est vrai, là, on en a tellement des assistés sociaux qu'on pourrait même leur faire cueillir les pommes puis les oranges que Bouchard aime bien comparer. 40% des BS sont à Montréal. Bon. 6% sont à Québec. C'est pas beaucoup. Seulement 6% des... Ah, ouais. Alors là, il y a une forte concentration de BS à Montréal et il semble y en avoir vraiment très peu à l'échelle de la province à Québec. Malheureusement, Sylvain Bouchard a manqué de temps pour expliquer toutes les subtilités socio-démographiques derrière ces statistiques. Remarquez que s'il côtoyait un peu plus la misère, Bouchard aurait peut-être moins de mépris pour les BS. Mais ce n'est rien à côté du mépris que subissent les autres laissés pour compte de notre société qui doivent chaque jour vivre sous la tyrannie du regard de leurs concitoyens, et je parle ici bien sûr des milliardaires, et particulièrement des mécènes, comme le patron de Sophie Durocher avec son projet Éléphant. Ils ont revampé tous les grands classiques du cinéma québécois. On va aller dire que c'est pas correct, puis que le mécénat tue la culture. Ben voyons donc, il devrait y en avoir plus de projets comme ça. Mais dans mesure où tu te fais snobber, dans mesure où il faut que tu taises ton nom, dans mesure où t'es comme un lépreux, puis que t'arrives dans l'industrie, puis à chaque fois que tu donnes une scène, tu te fais regarder de travers. C'est un peu normal aussi que les gens qui ont les poches un peu plus profondes osent pas investir. Hey, ça vous brise pas le cœur d'entendre ça? Hein? J'aimerais bien vous nommer ceux qui ont dit que les mécènes tuaient la culture, mais je pense que ces personnes sont dans la tête de Sophie Durocher. En fait, les mécènes ne tuent pas la culture, mais il y en a certains qui essaient de la noyer au milieu de télé-réalité à grand déploiement, mais ça, c'est une autre histoire. De toute façon, là, aussi bien que ce soit les mécènes qui investissent en culture, parce que contrairement aux élus du peuple, ils savent ce que le peuple veut, c'est-à-dire pas de l'art laid. Denis Gravel et Jérôme Landry. L'art laid, j'imagine que ça retient plus l'attention. C'est meilleur. Ah oui, c'est meilleur. Sacrement. C'est comme la danse LED aussi, ça. Ah mon meilleur. Dieu, la danse. Les affaires inexplicables, c'est toujours meilleur. Oui, hein? On comprend meilleur. C'est comme les articles de Mathieu Dugal. Ouais. C'est comme... plus tu danses, plus t'as de poils, plus c'est élève. Plus t'as de subventions. D'ailleurs, Mathieu Dugal est à la fois incompréhensible et poilu. Fait que Mathieu, si tu veux devenir riche, tu sais quoi faire, apprends à danser. D'autre part, le PQ a continué de reculer cette semaine à la grande déception de plusieurs. On pourrait dire qu'encore une fois, la montagne a accouché d'une souris, mais en fait, c'est plutôt à l'échographie qu'il y aurait eu un problème. T'sais, on a l'impression que la machine à échographie avait une loupe dedans. Quand on regardait le bébé avec, dans tous les domaines durant la campagne électorale, quand on faisait les échographies, on avait l'impression que le bébé était gros, gros, gros. Oui, oui, puis à oui. Chaque accouchement, c'était un petit bébé. D'ailleurs, un petit bébé, là, c'est beaucoup plus facile pour Mario Dumont à acheter avec l'eau du bain. Il doit être content. Parlant de petit bébé, il y en a plusieurs qui n'auront même pas ce qu'ils ont demandé comme cadeau de Noël. Et c'est le cas de Denis Gravel qui, sur les ondes de Radio X, s'est indigné du zèle scandaleux d'un organisme gouvernemental qui empêche tout le monde de jouir d'un Noël joyeux. En culeur de mouche. C'est-tu niaiseux? Hein? Je sais qu'il y a des plus gros problèmes que ça dans la vie, là. Mais à l'approche des fêtes, ce qu'on veut, c'est un peu de fun. Puis là, ils sont en train de jouer là-dessus. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est choquant. Pour ceux qui viennent de se lever, il est 7h. Bonjour, bienvenue dans le show du matin. Votre DVD de Metallica, allez pas le chercher la semaine prochaine dans les magasins. Il sera pas là! Bon, c'est ça, hein? La danse de poilu, c'est bien correct, mais de la musique de poêle, ça passe pas. Joyeux Noël quand même. Merci beaucoup, Olivier. Merci énormément. Vous écoutez beaucoup... Vous écoutez beaucoup la radio de Québec, vous, hein? Un peu trop. OK, c'est ça. On apprenait cette semaine que la cousine de Gilles Vaillancourt, prise au dépourvu, oui, par une perquisition de l'escouade Marteau, avait tenté de flocher une liasse de billets de banque dans les toilettes. Évidemment, ça nous a inspiré des bonnes petites blagues de plomberie. Oui. On écoute. Fuck, chérie, la police! Qu'est-ce que tu fais avec une grosse motte de 20 piastres de même, là? Ah ouais, vite! L'argent dans le bol! L'argent dans le bol? Ça déborde, là! Ben là, c'est des nouveaux 20 piastres en plastique, maudit épais! Gros ou petit, peu importe l'heure ou l'endroit, Groupe Calinette règle vos dégâts d'eau vite et bien, maudit épais. Groupe Calinette dans la cousine nounoun. Ben... C'est bon social, hein? Ben, je savais pas, moi, que les billets de banque en plastique, ça flottait. Qu'est-ce que vous voulez? On peut pas tous le savoir. Jean-Sébastien? Jean-Philippe? Ben oui, c'est ça, je vous parle, là. Ben oui, moi aussi. Bon. Vous êtes rendu... Alors, toujours avec Léo Kiffer, journaliste voyage au journal Le Devoir. Alors, on donnait tantôt des trucs à M. Beauclerc pour son voyage à New York. Et j'ai voulu profiter maintenant de sa présence pour vous donner à vous, les gens sur le plateau, des idées de voyage. Les fêtes s'en viennent. Vous avez eu tous une grosse année. Vous avez besoin de repos. M. Kiffer, vous avez envie de vous prêter au jeu? Oui, bien sûr. Parfait. Alors, si on offrait des vacances à M. Michael Applebaum, à part évidemment l'envoyer en Acadie, la seule place où on comprend son français. Ah, moi, je suis resté à New York. En passant, il n'y a pas de H à Applebaum, Jean-Sébastien. C'est vrai? Oui, ben non, mais je vais vous expliquer comment ça se parle l'anglais tantôt. Continuez. OK, donc, mais je vais rester à New York. Je propose à M. Applebaum les cours de français à l'Union française et les films présentés par la Délégation générale du Québec pour tout comprendre de la réalité québécoise. Quand tu tapes quatre fois la mort d'un bûcheron, t'as tout compris. Tout un projet. C'est vrai que c'est maintenant, long, ça. Oui, c'est ben beau. Maintenant, Jean-Philippe Vautier, qui on va te dire a travaillé comme un bœuf cette année, ou on l'envoie en vacances, à part évidemment l'envoyer dans un spa, où il pourrait s'offrir un beau soin du visage et un traitement capillaire à l'huile chaude VO5. Toujours New York, d'aller devant la Statue de la Liberté, d'arrêter le bateau, et de demander à la statue une entrevue. Ouais, mais il y a déjà eu Mme Courchesne. Je pense que c'est pas mal mieux que la Statue de la Liberté. Ben, mais... Mais Mme Courchesne ne se visite pas. De, ah, Madame Courchene ne se visite pas. Ben, c'est encore drôle, je vais aller installer son arbre de Noël le 16 décembre. C'est vrai ça. Bon, mais parlant de la Louve, de la belle Louve, où on l'envoie, Michel Courchene, en voyage? Alors, toujours à New York, de faire le parcours des écoles de New York qui n'ont pas d'écran tactile. Où les enfants font d'excellentes études, plus les garderies à $100 par jour au nord de Manhattan, à côté du Guggenheim, et de s'arrêter dans une toute petite rue qui s'appelle Clearwood. Bois clair. Ah, que vous êtes irrévérencieux. Mais au pis-aller, on peut toujours l'envoyer aussi à Las Vegas, aller voir un beau spectacle de Céline Dion, qu'elle aime beaucoup, évidemment. Je vous remercie beaucoup, M. Kiffer, d'avoir été avec nous. Je vous souhaite de joyeuses fêtes et on peut toujours vous lire à quel endroit. C'est un journal pas très lu, mais quand même. Le Devoir. Ah, Le Devoir. Est-ce que c'est sur Internet? Oui. Devoir.com. Merci beaucoup, M. Kiffer. Salut. Bye-bye, tout le monde. Bye-bye, Jean-Sébastien. Merci, hein. Merci beaucoup. Fred, notre prochain chroniqueur. Il avait peur de manquer de matériel avec la pause de la commission Charbonneau, mais heureusement, il avait oublié que le PQ est toujours là, lui. Voici le billet de Jean-Philippe Cipriani. Bon. Bonsoir, bonsoir. Jean-Philippe. Oui. Le sujet sur la colline, évidemment, c'était André Boisclair. Là, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce que vous voulez? La commission est même morte. Là, sur la colline, tout le monde n'avait que ces mots-là en tête. Double nomination, comme on dit à New York, double nomination. Il devait être fonctionnaire à vie. Puis tout le monde disait qu'il devait avoir pas mal de post-it sur son CV, d'ailleurs. Peut-être que ça cachait l'ensemble de l'affaire. Mais bon, il a finalement renoncé à être sous-ministre. Peut-être le fait d'être sous quelque chose, ça lui plaisait pas tant que ça. Et il a bien appris son rôle de diplomate. Hein. Il a rien dit de la semaine, quand même. Ouais. Mais... C'est vrai. Hein? Mais néanmoins, là, qui est déjà parti, ben, l'arrivée d'un prince à New York, c'est tout un plus, je crois, pour la grosse pomme, parce qu'il amène toute l'expertise d'abord de son fameux coffre à outils. Hein? Ouais, c'est vrai! Et ça va être très bon pour l'économie américaine qui en arrache. D'ailleurs, immédiatement après sa nomination, on a annoncé la réouverture du Studio 54. Puis prenons ça comme un investissement. Là, 170 000 $ en salaire, ça veut dire que lui, il va payer le gros de la taxe santé. Hein? Donc, il faut quand même voir les côtés positifs. Mais bon, il n'y a pas vraiment de nouvelles là-dedans. Il a négocié, le gouvernement a reculé. C'est un peu une constante. D'ailleurs, on prend de mauvaises décisions, on dit une énormité, on attend voir si ça réagit. Ensuite, on défend ça quelques jours, puis ensuite, on recule. Jean Charest avait fait tout un premier mandat là-dessus. Ah, Madame Courchene. Mais elle n'était pas là. Mais bon, Jean Charest, lui, avait les deux mains sur le volant. Premier mandat? Ah oui, mon Dieu. En 2003. Ben, j'ai encore tenu le bon de vous. Vous êtes trop jeune. Ben oui, je sais bien. Mais écoutez, Jean Charest, lui, avait les deux mains sur le volant. Madame Marois, le problème, c'est qu'elle chauffe pas Manuel. Fait que... C'est pour ça qu'elle avance, elle recule. C'est pas aussi... Mais il faut le comprendre quand même. Pour André Boisclair, là, c'est une sécurité financière contre un gros, gros sacrifice. Là. Vivre à New York dans un appartement de fonction payée, là, c'est un gros sacrifice. Hashtag la belle vie, comme dirait Richard Martineau. Ouais. Mais dommage collatéral, là, dans les corridors de l'Assemblée nationale, là, François Rebello arrête pas de se promener en disant qu'il tripe bien raide sur la ville de Boston. Faudrait y dire que le poste n'est pas disponible. Vautier, moi, je crois que la seule solution facile pour caser tous les ex, là, puis leur permettre de vivre au-dessus de nos moyens, là, c'est de ramener un Sénat au Québec. Regardez comment ça a bien fonctionné avec José Werner. Hein? Ben oui, ça, vous avez tout à fait raison. Mais là, parlant de nomination, il faut souligner quand même celle de notre collègue David Gentilé comme correspondant à l'Assemblée nationale. Tout à fait. Après 523 crises à l'Hôtel de Ville de Montréal et presque autant de tempêtes de neige, je vous avais dit que les Italiens n'avaient pas dit leur dernier mot à Québec. Ouais. Enfin, un Sicilien à l'Assemblée nationale. Ça manquait le Tony Tomassi. Mais même si ça arrive aussi à Radio-Canada, on peut quand même pas parler de nomination partisane ici. Là. C'est pas alors on jase quand même. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui se posent des questions s'il y a eu collusion pour donner un rôle à Matricule 728 dans Unité 9. J'enquête là-dessus à mes risques et périls. Puis je vous reviens avec la réponse. Merci beaucoup, Jean-Philippe. C'est déjà tout pour ce soir. Ben oui, c'est déjà tout. On vous invite à rester à l'écoute dans quelques minutes. C'est le cabaret, puis on est de fou, puis on lit. Ensuite, c'est Bande à part. Merci à toute l'équipe. Fred Savard, Olivier Niquette, Marie-Claude Bocage, Julie-Christine Parent, Jean Gagnon, Steve Côté, Nicolas Arguindé et Philippe Roberge. Merci à nos deux invités de ce soir. Michel Courchene, on vous attend à la mairie de Montréal, peut-être? Jamais. Bon, parfait. Alors, je vais vous rejoindre le 16 décembre chez vous pour notre arbre de Noël. C'est mieux. Et monsieur le maire Applebaum, on vous dit au revoir dans un an, ça veut dire? Garde, pour moi, c'est clair. Ah, okay. Merci beaucoup. Quant à nous, n'oubliez pas notre spécial de fin d'année de 2h. C'est en ondes le 31 décembre et le lendemain en reprise. Écrivez-nous si vous voulez assister à notre émission la semaine prochaine. Nos invités, Raymond Bachand qui vient nous revoir et Jean-Martin Hossan, ici Jean-Philippe Vautier qui vous souhaite de profiter de cette soirée qui est encore jeune. Merci tout le monde.